bonjour à tous, c'est Aurélien. Donc on se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien, le lundi, 8h-13h30, sur Radio Game Oiseau. Bon, aujourd'hui, on va... Mon coup de cœur est un coup de cœur littéraire, c'est un livre, Le Labyrinthe. Il est très connu, vous devez sûrement connaître, vous n'avez pas lu. Donc il est écrit par James Dashainer, publié aux éditions PKJ, au prix de 18,50€. Donc, je vais vous lire rapidement le résumé. Donc, avant le résumé, il y a trois grands mots. Se souvenir, survivre, s'enfuir. Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide. Seul son nom lui familier. Il se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à l'ombre de murs infranchissables. Quatre portes gigantesques, qui se referment le soir, ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est modifié. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie? Si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets enfouis au plus profond de sa mémoire. Voilà. Donc, si le résumé ne vous dit rien qui vaille, moi je vous lis de le lire parce que, honnêtement, d'abord, si vous avez l'occasion de voir les films, parce qu'il y a des films, d'abord lisez les livres. Parce que, comment dire, une fois que vous avez vu les films, lire les livres, c'est pas pareil. Au début, moi, j'ai lu les livres, après, j'ai vu les films, après, j'ai relu les livres. Et ben, je peux vous dire que les livres sont presque mieux. Même si les films, c'est l'action, quoi. Mais, au moins, dans les livres, genre, vous pouvez vous imaginer vos propres persos et tout. C'est mieux, je trouve. Donc, je précise qu'il y a 5 tomes. Il y a le livre 1, Le Labyrinthe. Le livre 2, Le Labyrinthe, La Terre Brûlée. Le livre 3, Le Labyrinthe, Le Remède Mortel. Donc de là, les trois sont adaptés en film. C'est l'histoire de Thomas, du coup. Donc voilà, où il essaie de s'échapper, je vais pas vous spoiler la suite. Et après, il y a un 4 et un 5. Ce sont les deux des préquels. Le 4, c'est avant Le Labyrinthe, Ordre de Tuer. Et le 5, c'est avant Le Labyrinthe, La Braise. Donc personnellement, j'ai pas lu le 4 et le 5, mais je vais m'y mettre dans pas longtemps. Apparemment, ils sont pas mal, j'ai des amis qui l'ont lu, ils m'ont dit... On a des informations sur ce qui se passe avant le labyrinthe, parce que c'est bien beau d'avoir la fin, mais peut-être avoir le début, parce que on est laissé sur une note de suspense, on va dire. Et oui, je vous conseille vraiment beaucoup ce livre. Si vous aimez celui-là et les trois autres d'ailleurs, si vous aimez pas mal le style un peu, comment dire, un peu survival, à moitié horreur, mais vraiment pas, enfin un peu, mais pas beaucoup quoi. Dans le film, il y a une scène un peu, voilà. Dans le livre, on peut très bien s'imaginer, mais c'est quand même pas ouf. Non, c'est plus de l'aventure, suspense, action. Et c'est... James Dashainer a vraiment réussi son roman. D'ailleurs, c'est un best-seller. Il a été adapté en poche, déjà. C'est un best-seller, quoi. Donc, Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, bah à la semaine prochaine. C'était Aurélien, sur Radio Game Oiseau. 8h-13h30, le lundi. Au revoir.